page. Cherchez Rodrigue. Il a mené ici. Le comte de Gormaz, c'est lui. Mon Dieu, je tremble. Parlez. De ce palais, ils sont sortis ensemble. Seuls. Seuls et qui semblaient tout bas se querer. Sans doute, ils sont aux mains. Il n'en faut plus parler. Madame, pardonnez à cette promptitude.